Donc on continue, inshallah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 42 des durus de l'explication de Kitab al-Tawhid, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab. Puis on lit l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan. On a commencé hier à lire le hadith qui est mentionné dans le chapitre 12, Babun min al-shirk al-nadr li ghayrillah. C'est-à-dire, parmi les choses qui font partie du shirk, c'est de faire des nadr, des vœux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on a expliqué qu'est-ce que c'était al-nadr, al-nuzur. Et puis, donc aujourd'hui, on continue l'explication du hadith qui est rapporté selon Aisha radiallahu anha. Et le hadith c'est « Man nazara an yuti' Allah fal yuti'ahu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sih. » Celui qui a fait un nazr qu'il allait obéir à Allah alors qu'il l'obéisse, et celui qui a fait un nazr qu'il allait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il ne lui désobéisse pas. C'est un hadith sahih apporté par Al-Bukhari, et on a expliqué quelques informations, le cheikh a donné quelques informations au sujet de Aisha radiallahu anha. Puis, par la suite il dit, وَكَانَتْ رَضِيَ anha أَفْضَلُ نِسَاءِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَا عَدَى خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. فهناك خلاف, هل خديجة أفضل من عائشة أو عائشة أفضل من خديجة؟ من العلماء من قال بأن خديجة أفضل من عائشة, ومنهم من قال عائشة أفضل من خديجة, والحقيقة أن لكل منهما فضائل وتشاركها فيها الأخرى لا تشاركها فيها الأخرى. لعائشة رضي الله عنها فضائل لا تشاركها فيها خديجة, ولخديجة فضائل لا تشاركها فيها عائشة رضي الله عنها. والإجماع على أن خديجة وعائشة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما الخلاف في أيهما أفضل. لشيخ الزي ك رضي الله عائشة رضي الله عنها elle était une des meilleures femmes ou une des femmes préférées du prophète صلى الله عليه وسلم. En fait c'était sa femme préférée. Toutefois il y a un conflit ou une divergence au sujet, est-ce que c'était Khadija qui était meilleure ou Aïcha? Et certains ont dit que Aïcha était meilleure que Khadija, et d'autres ont dit que Khadija était meilleure que Aïcha, radiallahu anha. Et le Cheikh il dit que, en réalité, chacune d'elles a des mérites que l'autre n'a pas. Aïcha radiallahu anha, elle a des mérites que Khadija n'a pas, et Khadija radiallahu anha, elle a des mérites que Aïcha n'a pas. Et de toute façon, le Cheikh il dit que, on est tous d'accord pour dire que, tous les ulama sont d'accord pour dire que les deux sont les meilleures femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, le désaccord c'est juste à savoir laquelle des deux était la meilleure. Est-ce que c'était Khadija ou est-ce que c'était عائشة رضي الله عنها. شيخ الزيوسي, وكانت عائشة رضي الله عنها فقيها من فقهاء الصحابة, وكانت راوية للأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان كبار الصحابة يرجعون إليها في الرواية والفتوى رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهي عالمة فقيها، وهي أم المؤمنين، وهي بنت الصديق الذي هو أفضل الصحابة، فلها فضائل رضي الله عنها ولها مزايا. لشيخ الذكر عائشة رضي الله عنها parmi les sahaba, ok, c'était un parmi les savants, parmi les fuqaha, parmi les sahaba. Elle avait une grande compréhension de la religion, une grande connaissance de la religion. Elle fait partie également des gens qui rapportaient les hadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, elle est, non seulement qu'elle avait une grande connaissance et qu'elle rapportait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus de ça, les plus grands parmi les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam retournaient vers elle pour lui demander au sujet de certaines narrations de hadith et pour lui demander des fatawas. Donc que Allah soit satisfait d'elle. Et il dit que c'était une savante, une faqiha, une alima, et aussi c'est la mère des croyants, qu'elle était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle est la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anha, et c'est le meilleur parmi tous les sahaba, donc elle a beaucoup de mérite radiyallahu anha, et elle a beaucoup de particularités, d'accord. Le cheikh dit ensuite وَقَدْ رَوَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِعَ اللَّهِ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهِ فَلَا يَعْصِيهِ. الحديث صريح في أن النذر يكون طاعة، وإذا كان طاعة فهو عبادة، وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر، وهذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بهذا الحديث للباب. Donc le cheikh dit qu'elle a rapporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui a fait un nadr qu'il allait obéir à Allah alors qu'il lui obéisse, et celui qui a fait un nadr qu'il allait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il ne le désobéisse pas. C'est-à-dire qu'il ne désobéisse pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith est donc clair que le nadr est une obéissance. Ok? Et si c'est une obéissance, donc ça veut dire que c'est une ibadah, c'est une adoration. Et si c'est une adoration, de la faire pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient une forme de shirk majeur dans ce cas-là. D'accord? Comme on l'a expliqué hier. Voilà le wajh al-istidlal. C'est ça l'argument du sheikh lorsqu'il utilise ce hadith. C'est ça son argument. Sheikh il dit ensuite, فقوله من نذر أن يطيع الله بصلاة بصيام بحج بعمرة بصدقة باعتكاف أو بغير ذلك من أنواع الطاعات فليطعه بفعل هذا النذر. فدل هذا على أن النذر عبادة، وعلى أنه يجب الوفاء به، وأن لأنه دين لله في ذمة العبد أو في ذمة الناذر. لشيخ الدين ك le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit celui qui a fait un nadr qu'il allait obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, soit par une prière, ou soit par un jeûne, ou soit par un hajj, ou un umrah, ou une sadaqa, ou une itikaf, ou quelconque parmi les autres formes d'adoration et d'obéissance, alors qu'il le fasse, c'est-à-dire qu'il accomplisse son nadr, son vœu. Donc par exemple, si quelqu'un a fait un nadr, il a dit par exemple, Ya Allah, si tu me guéris de ma maladie, je vais jeûner pendant un mois. Donc, si par exemple il est guéri de sa maladie, alors dans ce cas-là, il doit jeûner un mois. D'accord? Donc, c'est un exemple. Donc, ça prouve que le nadr est une adoration et qu'il est obligatoire de l'accomplir parce que c'est une dette sur la tête de la personne qui a fait le vœu en question. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِ اللَّهِ فَلَا يَعْصِي فَلَا يَعْصِي كَأَنْ نَذَرَ أَنْ يَقْطَعَ رَاحِمَهُ أَوَنْ لَا يَصِلْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ فهذا النذر معصية لا يجوز له الوفاء به، لا يجوز له الوفاء به، أو نذر أن يقتل فلانا فهذا لا يجوز الوفاء به، لأنه معصية، لأن القتل بغير حق معصية كبيرة، فلا يجوز الوفاء به. أو نذر أن يترك الصلاة أو أن يشرب الخمر، فهذه نذور معصية، سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل محرم، من نذر ذلك فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، لأنه معصية لله. للشيخ الزي ou celui qui a fait un nadr qu'il allait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, quelqu'un qui a fait un vœu et qui dit, ma femme sort de la maison, je parle plus jamais avec sa famille ou bien avec ma famille, des choses comme ça. Ça c'est un vœu qui implique que tu vas faire un péché, parce que de couper les liens avec quelqu'un de ta famille, comme ton père ou ta mère ou ton frère, ça c'est interdit dans l'islam. T'as pas le droit, walaykoum salam wa rahmatullah, t'as pas le droit de couper les liens de parenté dans l'islam. Hein? Donc si tu fais un vœu dans lequel ça implique que tu vas couper les liens de parenté avec quelqu'un de ta famille, dans ce cas-là t'as pas le droit de respecter ce vœu-là, d'accord? Donc par exemple, tu fais un œuvre que tu vas tuer quelqu'un si telle ou telle chose se produit. Hein? Donc ça, tu n'as pas le droit de respecter ce genre de vœu-là. Parce que tuer, c'est un parmi les grands péchés, si tu tues quelqu'un sans avoir le droit. Donc c'est une injustice et c'est un grand péché parmi les kaba'ir. Donc tu n'as pas le droit de respecter ce genre de vœu-là, ou ce genre de œuvre. Ou tu fais un nadr que tu vas abandonner la salat, ou que tu vas boire de l'alcool, ou n'importe quelle autre forme de péché. Peu importe que ce soit le fait de faire quelque chose qui est haram, ou de t'abstenir de quelque chose qui est obligatoire. Hein, dans les deux cas, c'est haram. Donc celui qui fait ce genre de nadr, alors c'est pas permis pour lui de respecter ce nadr, parce que c'est un péché, et c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. ومن ذلك بل أولى إذا نذر للقبور، لأن النذر للقبور شرك وهو من أعظم المعاصي، فلا يجوز له الوفاء به. كما إذا نذر أن يذبح للبدوي، أو يذبح لأي ضريح من الأضرحة، أو أن يذبح للجن، أو أن يذبح للأولياء والصالحين يرجو نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم، فهذا من أعظم أنواع المعصية. ويدخل في قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأن المعصية قد تكون شركا وقد تكون دون ذلك. الشيخ الزي et parmi les choses qui font partie de faire un vœu ou un nadr qui est un péché, il y a le fait de faire un vœu pour une tombe. Comme par exemple, tu vas à une tombe et tu fais un genre de vœu comme si tu demandes à celui qui est enterré dans cet endroit-là, dans cette tombe-là ou dans là où il y a un tombe ou quelque chose comme ça, tu vas là-bas parce que tu crois que c'est un wali ou un sayyid ou quelque chose comme ça, et tu lui dis, si tu guéris un malade, alors je vais venir égorger un animal pour toi ou des choses comme ça. Et celui qui fait ce genre de nadr, ça fait partie des formes de shirk. Et c'est un des plus grands parmi les péchés, et c'est pas permis donc de l'accomplir ou de le respecter. Tu comprends? Donc ça veut dire, si par exemple quelqu'un a fait ce genre de nadr pour un wali ou pour une tombe ou quelque chose de ce genre, il n'a pas le droit de l'accomplir, même si la chose qu'il demande a été exaucée ou a été réalisée. Hein? C'est-à-dire, même si par exemple il a demandé au wali comme si par exemple telle ou telle chose arrive, je vais venir égorger ou je vais faire une sadaqa ou quelque chose de ce genre, si ça se produit ce que tu as demandé, eh ben tu n'as pas le droit de le respecter si ça se produit. Parce que c'est une ma'asiyah, c'est un péché, c'est une forme de shirk. Donc c'est interdit de le respecter. Ou si tu as fait un genre de nadr, que ce soit pour une tombe ou pour un wali, comme par exemple si quelqu'un a fait le vœu qu'il allait égorger un animal pour Al-Badawi, Al-Badawi c'est un des gens que les soufis considèrent comme étant un wali, hein, il a une grosse Quba en Égypte, et les gens vont à sa tombe quand ils ont quelque chose, ils ont besoin de quelque chose, et ils ont plus d'espoir en, par exemple, ils sont malades, ils ont plus d'espoir en la médecine, hein, ou des choses de ce genre. Et alors ils disent, bon, ok, va voir tel wali en Égypte, et lui, si tu vas le voir, ta maladie va disparaître, ou bien va être guérie. Donc il va là-bas, puis il fait le vœu que, par exemple, si je suis guéri de telle maladie, ben, je vais égorger tel animal. Donc il y a des gens qui font des choses pareilles, et ça c'est shirk. Ou bien n'importe quel autre parmi les abricha, parmi les autres tombes, les tombeaux ou autre chose de ce genre, ou quelqu'un qui promet ça ou qui fait ça pour un djinn, hein, qu'il allait égorger pour un djinn, ou pour un wali, ou pour un salihin, parmi les salihin. Et il croit que ça va lui apporter un bien ou que ça va repousser quelque chose de mal, hein, de lui. Donc celui qui fait ça, ça c'est parmi les plus grands péchés. Et donc ça rentre dans le hadith, man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Celui qui a fait le vœu qu'il allait désobéir à Allah alors qu'il ne lui désobéisse pas. Parce que quand on dit ma'siya, quand on dit le mot ma'siya, c'est-à-dire le mot péché ou désobéissance, ça peut vouloir dire le shirk, ou ça peut vouloir dire également qu'est-ce qui est moins grave que le shirk. Okay? Parce que quand on dit le mot ma'siya, c'est tout ce qui est interdit, sans exception. Donc ça peut être le shirk, le kufr, et ça peut être aussi d'autres kaba'ir, et ça peut aussi être même les sara'ir. Donc tous les formes de péché à tous les niveaux rentrent là-dedans. D'accord? Mais il faut pas penser que quand on dit que le shirk c'est une ma'siya, que c'est au même niveau que les autres ma'asi. C'est une ma'siya qui dépasse tous les autres parce que c'est la plus grande de toutes et c'est celle que Allah ne pardonne pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais en dehors du shirk, tout autre péché qui est en dessous du shirk, il peut le pardonner à qui il veut. Ok? Donc ça c'est important de comprendre. Le cheikh il dit, fa al-hadith izan, دليل على أن النذر عبادة وأنه إذا نذر عبادة وجب عليه الوفاء بها ولو صرفها لغير الله صار مشركا وعلى أنه لو نذر فعل الشرك فإنه لا يجوز له الوفاء به وكذلك إذا نذر المعصية التي هي دون الشرك لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية وهذا محل إجماع أنه لا يجوز له الوفاء بنذر المعصية ولكن اختلفوا هل تجب عليه كفارة يمين أو لا تجب إلى العلماء من رأى أنه تجب عليه كفارة يمين بدل النذر ومنهم من يرى أنه لا يجب عليه كفارة يمين نذرا لأن نذر المعصية غير منعقد أصلا فليس له كفارة يمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن فعله ولم يأمر بالكفارة وعلى كل حال تبين لنا من خلال هذه الآيات الكريمة في هذا الحديث أن النذر أو أن النذر عبادة وإذا كان عبادة فصرفه لغير الله شرك Le Cheikh il dit que le hadith donc est une preuve que le nadr est une adoration et donc si c'est une si c'est une un vœu que tu fais ou une nadr qui implique que tu vas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu vas faire une quelque chose d'une adoration qui est acceptée qui est permis dans l'islam qui est ordonné dans l'islam dans ce cas-là c'est obligatoire de respecter ce nadr ce vœu là que tu as fait mais si toutefois tu offre ce vœu-là à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, tu deviens un mushrik. Hein? Et donc, ça c'est dans le sens que si tu as fait un vœu ou un nadr qui implique quelque chose de shirk. Et dans un cas semblable, tu n'as pas le droit de respecter ce genre de nadr. Okay? Comme tu n'as pas le droit de respecter un vœu, ou tu n'as pas le droit de faire un nadr ou un vœu qui implique un péché, même si c'est moins que le shirk, et c'est pas permis non plus de l'accomplir si tu as été exaucé dans ce vœu-là, parce que c'est un péché. Et ça, c'est quelque chose qui est accepté selon le consensus des savants de l'islam. C'est-à-dire, il n'y a pas de divergence entre les ulama au sujet que si tu as fait un vœu de faire un péché ou un nadr, que tu allais faire un péché ou quelque chose de haram, que ce soit shirk ou que ce soit autre chose de haram, tu n'as pas le droit de l'accomplir, tu n'as pas le droit de le respecter, ce nadr. Et donc, il n'y a pas de divergence entre les ulama à ce sujet-là. Toutefois, il y a une divergence entre eux au sujet de est-ce que si tu as fait un vœu de faire quelque chose de haram, et donc puisque tu n'as pas le droit de faire, tu ne vas pas le faire, mais est-ce que tu dois payer une expiation, payer la kafara ou faire quelque chose pour faire expier ce vœu-là que tu n'as pas respecté ou non? Et il y en a des ulama qui ont dit oui, il y en a d'autres qui ont dit non. Le cheikh a dit parmi les ulama, il en a dit que c'est obligatoire pour lui de faire quelque chose pour expier ce œuvre qu'il a fait. Et il y en a d'autres qui ont dit non, c'est pas obligatoire pour lui parce que quand il a fait le vœu de faire un péché, eh bien à la base c'est même pas accepté. Ce vœu-là, à la base, il compte pas, parce qu'il est interdit. Donc, il n'a pas besoin de payer une expiation ou de faire quelque chose pour expier ce vœu-là. Donc, c'est ça. Et le chef, il dit, la preuve aussi, c'est que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne devait pas le faire, c'est-à-dire celui qui a fait un nadr, qu'il allait faire un péché, il ne doit pas le faire, qu'il ne le fasse pas. Hein, qui ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'a pas ordonné de payer ou de faire une kafara. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas obligatoire de faire une kafara. Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire, non ça y est, j'ai juré que j'allais faire un péché, ou j'ai fait un œuvre que j'allais faire un péché, et donc puisque je ne l'ai pas fait, je dois payer une kafara, ou je dois faire quelque chose pour expier ça, pour réparer ça. Non. Pas nécessairement, parce que déjà à la base c'est pas permis de faire ce genre de vœux là. Et il y a une aya dans le Coran qui parle de al-kafaratul yamin, c'est la yu'akhidhukum Allahu bil-lahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أوكي. كيف ça veut dire الله سبحانه وتعالى ne vous prend pas pour compte pour si vous faites si vous jurez des choses sans réfléchir. Il y a des gens qui disent Oksimu billah, ou je jure par Allah, mais ils disent ça sans y penser vraiment, sans le penser vraiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te prendra pas pour compte pour quelque chose de ce genre. Toutefois, il te prend pour compte pour quelque chose que tu as juré et que tu l'as fait avec sincérité, tu le veux vraiment, et pour expier ça. Si tu l'as pas respecté, ce serment-là, c'est que tu nourrisses 10 pauvres, ok? À partir de qu'est-ce que tu donnes à manger à ta famille, ou de nourrir 10 pauvres, ou bien de libérer un esclave. Et si tu trouves pas de quoi nourrir 10 pauvres, ou de les vêtir, ou bien de libérer un esclave, alors tu jeûne 3 jours, ok, ça c'est kafaratul yamin. Ça c'est juste un point supplémentaire pour clarifier à ce sujet-là. Il faut que je lise après, et puis je te donne la réponse là-dessus, inshallah. Après, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh dit, فَمَا يَفْعَلُهُ عُبَّادَ الْقُبُورِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ والمخرفون من هذه النذور التي تقدم للقبور أو تقدم للجن والشياطين أو حتى للأولياء والصالحين أنها عبادة لغير الله وشرك بالله فلا يجوز عملها ويجب المنع منها والتحذير منها وأن هذه النذور باطلة لا يجوز له الوفاء بها، فإن وفى بها ونفذها صار مشركا بالله الشرك الأكبر، فيجب عليه أن يتوب وأن يدخل في الإسلام من جديد، وهذا في النذر الواحد، فكيف بالذي أثنى عمره بالنذور وضيع ماله بالنذور، كلما أحس بشيء أو خاف من شيء صار ينظر للأولياء والصالحين. فالمسألة خطيرة جدا، ولكن مهما عمل الإنسان من الشرك والكفر إذا تاب تاب الله عليه، ولو أثنى عمره في الشرك والكفر ثم تاب توبة صحيحة تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلو أن هؤلاء القبوريين تابوا إلى الله لتاب الله عليهم. لشيخ الزي Qu'est-ce que les gens qui adorent les tombes aujourd'hui, et les soufis, certains parmi les soufis qui font ça, et les gens qui inventent des mensonges dans l'islam, qui suivent leur superstition, ces gens-là, qui amènent qui sacrifient pour les tombes, ou qui font des vœux pour les djinns, ou pour les shayatins, ou pour les awliya, et pour les salihin, eh bien, ça c'est une forme d'adoration qu'ils font pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une forme de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pas permis de le faire. Et c'est obligatoire d'interdire ce genre de choses et d'avertir contre ce genre de choses. Parce que ce genre de vœux-là, c'est quelque chose qui est faux, qui est bâtin, ok? Et c'est pas permis de le respecter si on l'a fait. Et si par exemple quelqu'un a fait ce genre de vœu là, et puis après il est allé et il a accompli son vœu, comme il est allé à la tombe et puis il a égorgé pour le wali ou pour le djinn ou autre, alors il a commis un shirk majeur et il est un mushrik. Hein, c'est un mushrik celui-là qui fait ça. Même s'il dit la ilaha illallah, même s'il fait la salat, même s'il fait le hajj, même s'il fait la zakat, le fait qu'il ait fait ça, il a fait un acte de shirk, c'est comme s'il a annulé son shahada. Ok, il a annulé son shahada en faisant un acte de shirk akbar. Et donc, c'est obligatoire pour lui de faire tawba, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et de renouveler son islam en rentrant dans l'islam encore une fois, en faisant son shahada et en se repentant de cet acte de shirk qu'il a fait, en reconnaissant que ce qu'il a fait est shirk, ok, puis en dénonçant qu'est-ce qu'il a fait auparavant. Et donc, le shaykh il dit, c'est obligatoire pour lui de revenir à l'islam. Et ça c'est pour une personne qui fait un seul vœu, un seul nazr pour autre que Allah. Donc imaginez pour celui qui a fait ça pendant toute sa vie, hein, si un seul nazr suffit pour te faire sortir de l'islam, imagine celui qui a fait ça continuellement durant toute sa vie, hein. Et il a dépensé tout, gaspillé tout son argent avec des genres de, ces genres de vœux-là. Parce que ça coûte de l'argent, Yannick, hein. T'as des choses à faire de ce genre, Yannick. Donc, le chef, il dit, chaque fois qu'il a eu un malaise, ou qu'il a eu quelque chose, ou qu'il a eu peur de quelque chose, il s'en va vers les tombes, vers les awliya, ou vers les salihin. Et il commence à leur demander. Chef, il dit, ça c'est très dangereux, ce sujet-là. Et peu importe, toutefois, il ne faut pas oublier que peu importe qu'est-ce qu'un être humain a pu faire dans sa vie comme shirk, hein, ou comme kufr, lorsqu'il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il demande pardon, hein, et qu'il corrige son erreur, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance. C'est comme quelqu'un qui était toute sa vie chrétien ou juif ou bouddhiste ou hindou ou mushrik ou athée, peu importe, hein, ou un musulman, quelqu'un qui vit musulman puis toute sa vie il a sacrifié des animaux pour autre que Allah, il a fait des vœux pour autre que Allah, il a invoqué les awliya, des trucs comme ça, puis toute sa vie il a fait ça, puis là à la fin de sa vie il a réalisé que ça c'était pas correct, c'est contraire à l'islam, puis il a décidé de se repentir, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait ça, puis il renouvelle son islam, Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa repentance, ok? Et c'est comme s'il devient un musulman à nouveau. Et tous ses péchés, qu'est-ce qu'il a fait auparavant, sont effacés. Il redevient comme il est venu le jour de sa naissance. Dans le sens que il revient à neuf, à zéro. Hein? Ça, c'est dans le cas où il a fait une repentance sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il mentionne le verset 53 dans Surat Az-Zumar qui dit, Ya ibad, qul ya ibad, dit au Muhammad à mes serviteurs, ô mon serviteur, qui ont fait du tort envers eux-mêmes, qui ont exagéré envers, contre eux-mêmes, ne perdez pas l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pardonne tous les péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Donc celui qui demande pardon, qui se repent, qui fait tauba, Allah pardonne tous les péchés pour lui. Il n'y a pas de limite à son pardon. Donc tous les gens aujourd'hui qui adorent les tombes et qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans les pays musulmans, s'ils font tauba et ils demandent sincèrement pardon à Allah et qu'ils fassent, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va accepter de leur repentance. Ok? Maintenant, on a terminé avec ce chapitre qui a rapport avec An-Nadr, et on va commencer un autre chapitre qui est Al-Bab Al-Thalitha Ashar, le chapitre 13, Babun min al-Shirk al-Isti'adha bi-Ghayrillah. C'est-à-dire, le chapitre qui dit que parmi les choses qui font, des choses qui font partie du shirk, c'est de demander le refuge, ou de chercher le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire tu demandes le refuge d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh Muhammad Abdul Wahhab, il mentionne comme preuve à ce sujet-là, dans ce chapitre, une ayah et un hadith. Donc l'ayah c'est quoi? C'est « قوله تعالى إنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا » C'est le verset 6 dans Sourate Al-Jinn. Il y avait des hommes parmi les, il y avait des êtres humains parmi les, donc il y a plutôt il y avait des hommes parmi les êtres humains qui cherchaient le refuge parmi les hommes des djinns. Et ça, ça les augmentait en crainte, hein. Quand les hommes cherchaient un refuge en les djinns, ils commençaient à avoir plus peur en les djinns par la suite. Et on va expliquer ce verset-là plus tard dans l'explication du cheikh. Et il y a le hadith qui est rapporté selon l'imam Muslim, c'est un hadith sahih, qui dit « Wa an Khawla bin Hakim ou bin Hukaym » Hakim, ok, bin Hakim qalat, ou bin Hakim, parce qu'ici il y a une erreur, bin Hukaym, ok. Parce que il y a écrit ici Bayna, mais c'est Bint, parce qu'il y a une erreur de frappe, une erreur de l'imprimerie. Le cheikh il dit قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. C'est un hadith rapporté selon Khawla, qui dit qu'elle a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui descend quelque part lorsqu'il est en voyage, il arrête dans une vallée ou quelque chose comme ça, qu'il dise seulement, je cherche le refuge en la parole d'Allah qui est parfaite contre le mal qu'il a créé. S'il dit ça, il n'y a rien qui va pouvoir lui faire du mal jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit-là où il s'est arrêté. D'accord? Parce que les gens souvent, ils arrêtaient en voyage pour camper ou pour se reposer, et ils arrêtaient, et puis on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce hadith, il y a une explication à ce sujet-là, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'arriver là aujourd'hui, mais sinon ce sera samedi prochain, Inch'Allah. Le cheikh il dit « هذا كالأبواب التي قبله في بيان أنواع الشرك التي يمارسها بعض الناس في مختلف الأزمان ولا تزال تمارس تمارس عند كثير من الناس. » Le cheikh il dit ce chapitre, comme celui qui a suivi, c'est pour clarifier certaines catégories ou certaines sortes de shirk que les gens pratiquent, que les gens pratiquaient à différentes époques et qu'ils continuent toujours à pratiquer encore aujourd'hui. Beaucoup de gens qui continuent à aller pratiquer ces formes de shirk-là encore aujourd'hui. والاستعاذة معناها الاعتصام والالتجاء إلى الله في دفع المكروه والشرور. الشيخ يزيك الاستعاذة سبذير de chercher, de se réfugier et de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour repousser quelque chose de mal ou quelque chose de mauvais. وهو نوع من أنواع العبادة لأن دفع الضرر ودفع الشرور لا يقدر عليه إلا الله فكل ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يطلب إلا من الله فإن طلب من غير الله كان ذلك شركا وهذا وجه كون الاستعاذة بغير الله من الشرك لأن الاستعاذة عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك لماذا كانت عبادة لأن طلب لأنها طلب دفع الضرر الذي لا يقدر على دفعه إلا الله وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غير الله شرك لأن الله تعالى أمر بالاستعاذة به دون غيره قال تعالى في آيات من القرآن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كما أنه سبحانه بين أن الاستعاذة بغيره من الشرك وذلك في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وفي سورة الأنعام ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا من شاء الله إن ربك حكيم عليم ففي هذه الآيات وما ففي هذه الآيات ما يبين أن الله أمر بالاستعاذة به وحده ومنع من الاستعاذة بغيره فدل على أن الاستعاذة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. الشيخ يزيك de chercher le refuge, on a expliqué que ça voulait dire de se tourner vers Allah سبحانه وتعالى et de se réfugier en Allah سبحانه وتعالى pour repousser quelque chose de mauvais. Et c'est une forme parmi les formes d'adoration. Parce que de repousser le mal, c'est quelque chose que seulement Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. Et toute chose que seulement Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, on n'a pas le droit de la demander à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Comme par exemple, demander par exemple de nous protéger contre le shaytan. Tu ne peux pas demander à un être humain de te protéger contre le shaytan. Si tu demandes à un être humain de te protéger contre le shaytan, tu as demandé à une créature de te protéger dans quelque chose que seulement Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te protéger. C'est comme si tu demandes à un être humain de te protéger contre le feu de l'enfer. Hein? Si par exemple, il y en a peut-être des Mubtadi'a parmi les Soufiyas, ils vont dire à leur cheikh, Na'udhu bika min al-nar. Peut-être ils vont demander le refuge à leur cheikh contre le feu de l'enfer. Ça, personne ne peut te sauver de l'enfer excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de le demander à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est cheikh. Toutefois, si par exemple, tu demandes à quelqu'un de te protéger contre quelque chose qu'il est capable de faire, ça c'est pas shirk. D'accord? Comme si par exemple, il y a un chien qui veut te mordre, et tu vois quelqu'un qui est là, tu dis, Yanni, est-ce que tu peux repousser ce chien, ou est-ce que tu peux par exemple l'attacher, ou quelque chose comme ça, ça c'est pas shirk. Hein? Parce que c'est quelque chose que la personne est capable de faire. Donc il faut distinguer entre les deux, pour pas dire que n'importe quoi, parce que c'est ça que les gens bid'a surtout ceux qui appellent au shirk aujourd'hui, quand ils entendent les gens qui appellent au tawhid et qui disent que l'isti'adha c'est une ibada et qu'on ne doit pas l'offrir à autre que Allah ou chercher le refuge en autre que Allah, quand ils entendent ça, ils disent ah regardez ça, c'est ces gens-là, ils déclarent que tout le monde sont des mouchriquins parce que ils disent si tu demandes l'aide à quelqu'un, tu deviens mouchrik. Non, c'est si tu demandes l'aide à quelqu'un ou tu te refuges en quelqu'un, tu lui demandes la protection dans quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, là c'est shirk. Mais si c'est quelque chose que l'être humain est capable de faire, ça c'est pas shirk. Et eux ils font pas la distinction entre ces deux choses-là et ils essaient de prendre les gens pour des imbéciles en leur disant ce genre de shubuhat yani pour les tromper. Et pour essayer de dire que c'est la même chose. De demander à un wali ou à un cheikh ou à un mort de te protéger, c'est permis ça. Ils essaient de dire ça, eux, pour essayer de justifier que tu peux demander à un mort de te protéger. Hein? Et ça, c'est pour essayer de justifier le shirk. Ils comparent ça, ils comparent le fait de demander l'aide d'un mort à de demander l'aide à quelqu'un qui est vivant et qui est présent devant toi et qui est capable de t'aider réellement. D'accord? Donc ça fait partie des shubuhat de ces gens-là. Donc le chef il dit ensuite, qu'est-ce qui, de ce genre de choses-là, on ne peut pas le demander, quand c'est les choses que seul Allah peut faire, on n'a pas le droit de le demander à autre qu'Allah, sinon ça devient une forme de shirk. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit que de chercher le refuge en autre qu'Allah, ça fait partie du shirk. Parce que c'est une adoration de chercher le refuge en Allah. Et de détourner une forme quelconque d'adoration, de la donner à autre qu'Allah, c'est considéré comme une forme de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné beaucoup de versets dans le Coran qui prouvent ça, qui prouvent que c'est une adoration et qui prouvent que de la donner, de le demander le refuge à autre qu'Allah, c'est une forme de shirk. Par exemple, le verset 36 dans Sourate Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si le shaytan t'incite à faire quelque chose de mal, ou t'incite à faire quelque chose de mauvais, peu importe, quelque chose de, qui est haram, alors cherche le refuge en Allah, et il est certes audient et omniscient. Ensuite, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager dans le Coran plusieurs versets dans lesquels il ordonne au messager de chercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, قل أعوذ برب الفلق. Je cherche refuge, dit, je cherche refuge en le Seigneur de l'aube. Ou قل أعوذ برب الناس. Ou je cherche, dit, je cherche le refuge en le Seigneur des hommes. Ou قل أعوذ برب يعني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Mais bon, ça c'est les deux versets parce qu'il allait dire قل هو الله أحد, mais c'est pas la même chose. Bon, كما أنه سبحانه بين أن الاستعانة بغيره من الشرك وكذلك في سورة الجن. Donc ça prouve que l'isti'adha de chercher le refuge en autre que Allah, c'est shirk. Et aussi un verset dans Sourate al-Jinn qu'on a lu tout à l'heure qui dit « Et les hommes parmi les êtres humains cherchaient le refuge en les hommes parmi les djinns » et ça les augmentait en peur. Et dans Sourate al-An'am, le verset 128 dans Sourate al-An'am dit « Et le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va rassembler tout le monde au jour de la résurrection, et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, oh, vous les djinns, vous avez trop abusé des humains, des êtres humains. Et, leurs alliés parmi les êtres humains vont dire, oh, notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. Okay? Nous avons profité les uns des autres. Et on a atteint le terme que tu nous avais fixé. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, votre destination est l'enfer. Et vous y resterez éternellement, sauf si Allah le veut, et ton Seigneur est certes sage et omniscient. Donc dans ces versets-là, il y a la preuve que de chercher le refuge, c'est pour Allah lui seul, et l'interdiction de chercher le refuge en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça prouve que l'isti'aza c'est une adoration, et de l'offrir à autre que Allah, c'est shirk. Le cheikh il dit, قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه من جملة الانتقادات التي انتقدها الجن الذين استمعوا للقرآن وآمنوا به وانتقدوها على قومهم من الجن، كما في قوله تعالى في أول السورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وبعدما نزه الله تعالى عن الشرك وتبرأوا منه جعلوا ينتقدون أقوامهم وما يفعلونه مما يخالف التوحيد، ولهذا قالوا أنه كان يقول سفيهنا على الله شقطا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا إلى آخر السورة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أهل الطائف يدعوه من الله فردوه ردا قبيحا وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرجمونه بالحجارة، صلى الله عليه وسلم رجع إلى مكة وقد خرج من مكة على حالة شديدة، مات عمه الذي هو يدافع عنه وماتت زوجته خديجة التي كانت تؤنسه، وكانت له نعم المعين على دعوته، ثم لما خرج إلى الطائف أصيب بهذا الرد القبيح واشتدت به الحال جدا، بينما هو كذلك يسر الله له من الجن من استمع إلى القرآن وأمن به، وذلك أنه لما رجع من الطائف وبلغ وادي نخلة بين مكة والطائف قام يصلي الفجر ويقرأ القرآن واستمع له الجن فأعجبوا بالقرآن كما في هذه السورة كما في هذه السورة وفي سورة الأحقاف. donc le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc dans le verset et il y avait des êtres humains parmi les il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient le refuge en les hommes parmi les djinns et ça les augmentait en crainte ou en peur, et ça fait partie des critiques que les djinns qui ont entendu le Coran ont fait à propos de leur peuple. Hein, il y a un groupe de djinns qui ont entendu le Coran et qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils ont commencé à expliquer certaines choses au sujet de qu'est-ce que leur peuple faisait, qui faisait partie des choses qui sont contraires au tawhid. Et on peut le trouver ça quand on lit la surah, suratul djinn dans le Coran. Depuis le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit قل au Muhammad, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dit aux gens, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont entendu, ont écouté le Coran et ils ont dit, nous avons entendu une récitation étonnante. Elle guide à la droiture et nous y avons cru. Et nous n'allons plus jamais faire de shirk avec notre Seigneur. C'est-à-dire on ne va jamais plus associer quoi que ce soit avec notre Rabb. Et وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا. Et maintenant on sait que notre Seigneur, le Très-Haut, n'a pas pris de compagne et n'a pas eu d'enfant. Il n'en a pas fait d'enfant. Et après avoir purifié Allah Ta'ala de toute forme de shirk et de s'être désavoué de toutes ces formes de shirk, ils ont commencé à critiquer leur peuple parmi les djinns et critiquer ce qu'ils pratiquaient comme contradiction au tawhid. Et c'est pour ça qu'ils disent par la suite et notre safir, celui qui était parmi nous, qui c'était le shaitan, notre safir, c'était quelqu'un qui qui est faible d'esprit, qui est disons stupide ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour dire que il disait des mensonges contre Allah, le shaitan. Il disait des mensonges contre Allah. Et maintenant on réalise que il disait des absurdités ou des mensonges contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'avait jamais pensé que quelqu'un parmi les djinns ou parmi les êtres humains aurait pu dire un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y avait donc des hommes parmi les êtres humains qui cherchaient le refuge en les hommes parmi les djinns, et ça les augmentait encore, et ils ont cru comme vous, et ils ont cru comme vous avez cru que Allah n'allait jamais faire ressusciter quiconque, Allah n'allait pas faire ressusciter personne. Jusqu'à la fin de la sourate, toute la sourate c'est ce genre d'explication des djinns qui parlent de ce sujet-là. Après, le cheikh explique que ça c'est arrivé, cette rencontre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eue avec les djinns, c'est arrivé, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est arrivé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la ville de Ta'if. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Ta'if et il a essayé de demander aux habitants de cette ville, est-ce que ils seraient d'accord pour lui donner leur support dans sa da'wah, ok? Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que au lieu d'accepter la da'wah, ils ont commencé à se moquer de lui et ils ont ordonné aux enfants et aux esclaves de le poursuivre en lui lançant des pierres. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté cette ville, les pieds en sang, et donc il a été vraiment, blessé ou touché par cet événement-là, ça l'a vraiment attristé. Et non seulement ça, c'est qu'en plus de ça, quand il avait quitté Mecca pour aller vers Ta'if, il était vraiment, triste aussi du fait que son oncle, qui le protégeait est mort, et sa femme également Khadija qui le supportait dans sa da'wah et qui lui donnait un support moral depuis le début, et bien elle est décédée elle aussi. Donc quand il est parti à Ta'if et qu'il a été frappé par ce rejet de la part de ces gens-là, alors il a été vraiment affecté par ça, il a trouvé ça vraiment dur, et juste à ce moment-là, quand il avait quitté Ta'if, il a eu la nouvelle que il est arrivé dans une vallée qui s'appelle Wadi Nakhla, comme entre Ta'if et Mecca, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a informé que un groupe de djinns l'avait entendu et ils ont cru en le Coran, d'accord? Et après, ils ont entendu la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prière de Fajr, et ils ont entendu réciter le Coran, donc ils ont cru en ça et ils ont trouvé que le Coran était beau et que c'était quelque chose de bien, et donc ils ont accepté l'islam. Ok, donc le cheikh il dit que ça c'était à ce sujet-là que la surat al-Jinn a été révélée, et aussi surat al-Ahqaf, non, la surat al-Ahqaf, le verset 29 à 31. Allah il dit: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى يعني بعد التوراة يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الشيخ الزي وفي سورة الجن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به فهذا فيه فرج من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وتسلية لنبيه وأن الله يقيد له من يتبعه ويؤمن به لأنه مبعوث إلى الإنس والجن. Ok, le chef, il mentionne ce verset-là, 29 à 31, dans Sourate Al-Ahqaf, qui dit « Et lorsqu'on a dirigé vers toi un groupe parmi les djinns, et ils ont entendu le Coran, ils ont écouté le Coran, et lorsqu'ils ont entendu, ils ont dit « Amsitou », ça veut dire « Écoutez, taisez-vous, faites pas de bruit, écoutez, concentrez-vous sur cette récitation-là ». Et lorsque la récitation était terminée, ils sont retournés à leur peuple comme des avertisseurs pour leur avertir de qu'est-ce qu'ils avaient entendu. Ils ont dit oh notre peuple, on a entendu un livre qui a été révélé après Moussa, c'est-à-dire la Torah, après la Torah, et il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Oh notre peuple, répondez à l'appel de celui qui appelle à Allah, répondez à celui qui appelle à Allah et croyez en lui, il va vous pardonner, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner vos péchés et il va vous protéger contre le dur châtiment. Ok, et également, ça c'est la même chose que dans Surat al-Jinn, quand les djinns ont dit on a entendu une récitation étonnante qui guide vers la droiture et nous y avons cru. Donc ça c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Ahqaf. Je pense que Al-Ahqaf c'est les djinns en français. Le chef il dit que ça c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala annonçait comme au prophète sallallahu alayhi wa sallam que il allait toujours avoir des gens qui vont croire en lui et qui vont le suivre. Et qu'il était envoyé non seulement aux êtres humains, mais également aux djinns. Ok? Le cheikh il dit, okay. Le cheikh il dit, وأنه كان رجال من الإنس بنو آدم يعوذون برجال من الجن المراد بهم عالم من عالم الغيب يعيشون معنا في هذه الأرض وهم مكلفون مأمورون بطاعة الله ومنهيون عن معصية الله مثل الإنس ولكننا لا نراهم قال تعالى إنه يراكم يعني إبليس هو وقبيله يعني جماعته من الجن من حيث لا ترونهم فهم يروننا ونحن لا نراهم وقد يتصورون بصور متشكلة ويتصورون بصور بصور حيات وبصور حيوانات وبصور آدميين أعطاهم الله القدرة على ذلك وهم عالم مخلوق من نار والإنسان خلق من طين أو من الطين كما قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار يعني من الطين وخلق الجان من مارج من نار والجان جمع جني سموا بالجن لاجتنانهم أي استتارهم عن الأنظار ومنه سمي الجنين في بطن أمه لأنه لا يرى فهو متجنن في بطن أمه ومنه المجن الذي يتخذ في الحرب يتوقى به المقاتل سهام العدو سمي مجنا لأنه يجني أو يجنه من السهام ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة بمعنى أنه ساتر بين العبد وبين المعاصي ويستتر به من المعاصي ومن كيد الشيطان ومنه قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا وجن عليه يعني غطاه ظلام الليل فالحاصل أن الجن عالم خفي لا نراهم وهم يعيشون معنا وهم مكلفون كما كلفنا بالأوامر والنواهي الشيخ يكسبليك que les djinns c'est un monde invisible inconnu ils vivent avec nous sur la terre et ils sont responsables de leurs actions comme les êtres humains. Ils sont ordonnés d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et on leur a interdit de désobéir à Allah comme les êtres humains. Mais on ne les voit pas. Hein, contrairement aux anges, les anges n'ont pas le choix, ils doivent obéir à Allah. Hein. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ça c'est les anges. Hein? Et les djinns, eux, non. Les djinns, ils ont comme nous le choix de d'obéir ou de désobéir, et ils sont responsables de leurs actions, contrairement aux anges. Et les chefs, ils disent ensuite, parce que les chrétiens et les juifs, ils pensent que le shaitan fait partie des anges, et ça c'est faux, ils croient que c'est un ange déchu. Toutefois, la vérité c'est que c'est pas un ange, mais c'est un djinn, qu'il était parmi les anges. D'accord? Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Kahf, فسجد الملائكة إلا إبليس لا إبليس أين سيسا وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن سيسا donc ils se sont prosternés excepté Iblis parce qu'il était parmi les djinns, il faisait partie des djinns, donc c'est ça. Dans Surat Kahf. Après, le chef, il dit, eux, ils peuvent nous voir, mais nous, on ne peut pas les voir, les djinns. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, eux, ils vous voient, lui, il vous voit, Iblis, ça veut dire le shaitan, et son peuple, parmi les djinns, eux, ils vous voient. De là où vous ne pouvez pas les voir. Ça, c'est dans le verset 27, dans Surat Al-A'raf. Eux, ils nous voient, nous, on ne les voit pas. Et ils peuvent prendre différentes formes, ils peuvent changer de forme, les djinns, contrairement aux êtres humains. Les djinns peuvent changer d'apparence, de forme. Ils peuvent prendre l'apparence d'un serpent ou d'un animal, hein, ils peuvent se transformer en animal, ou bien ils peuvent même se transformer en être humain. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le pouvoir de faire ce genre de choses-là. Et c'est un monde qui est créé de feu, c'est-à-dire les djinns sont créés à partir de feu. Nous on est créés à partir de la terre. Ok? Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Ar-Rahman verset 14 qu'il a créé les êtres humains à partir d'une glaise comme de la poterie, hein? Il a mis le salim kal-fakhar. Ok, et ça c'est-à-dire comme de la glaise. وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. Et il a créé les djinns à partir d'un feu sans fumée. Et le mot djinn, c'est le pluriel de djinni. Hein, le singulier, c'est djinni. Un djinn, c'est djinni en arabe. Et on les appelle djinns, pourquoi? Parce qu'ils sont cachés. Le mot ça vient de l'origine de ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils sont cachés de nos regards, on ne peut pas les voir. Et c'est de là que vient aussi le terme djinn. Quand on parle du fœtus qui est dans le ventre de sa mère, on dit le mot djinn parce qu'il est caché, on ne peut pas le voir, il est dans le ventre de sa mère. Aussi, le mot... le mujan, c'est quoi? Mujtan, al-mijan. Al-mijan, c'est le bouclier qu'on utilise durant la guerre pour parer les flèches de l'ennemi. Ça s'appelle mijan, ça vient de la même racine. Et aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, as-sawmu junna, le jeûne est un bouclier. C'est la même chose, c'est dans le même sens que c'est. Ça veut dire, ça nous cache, ça nous cache de quoi? Ça nous cache des péchés, ça nous protège des péchés. Et ça nous protège également des ruses du shaitan. Parce que quand tu jeûnes, eh ben, ça, disons, ça t'éloigne de faire certains péchés. وَمِنْهُ قَوْلُهُ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كَوْكَبًا. Dans le verset 137, dans Surat Al-An'am, lorsque, la nuit l'a couvert, Janna alayhi al-layl, lorsque la nuit l'a recouvert de son obscurité. Donc, ça c'est pour montrer que même le terme djinn, le terme de l'origine du mot djinn, ça a tout été, c'est dans ce sens-là, que c'est quelque chose, un monde qui est caché de nos yeux, on ne peut pas les voir. Et donc, c'est un monde invisible, caché, et puis on ne peut pas les voir, ils vivent avec nous, et ils sont responsables de leurs actions, et ils doivent faire ce qui est ordonné et s'abstenir de ce qui est interdit comme nous. Hein? Donc ça c'est important de comprendre ça et de croire en ça. Et lorsqu'on croit en le monde des djinns, eh ben ça clarifie beaucoup de choses qui sont pour les kuffars considérées comme des choses mystérieuses, inexplicables pour eux. Hein? Comme les maisons hantées ou les trucs comme ça. Ou des gens, par exemple, aujourd'hui justement, je suis allé quelque part pour faire un entraînement, puis comme par hasard, il y avait une télévision, puis ils montraient une émission des gens qui, soi-disant, avaient des images dans leur tête, ils voyaient une vie, comme s'ils s'imaginaient eux que c'était une de leurs vies antérieures, hein, qu'ils voyaient des choses, comme des rêves ou des visions. Et eux, ils pensaient que ces images-là qu'ils voyaient, c'était des visions d'une vie précédente. Et ça, des fois, ça peut être les djinns qui viennent à cette personne-là pour lui faire voir ces images-là. Et lui, il s'imagine qu'il est en train de voir une autre vie. Hein, puis, qu'est-ce qu'il faisait, cette personne-là? Il allait voir une voyante, hein, pour aller faire qu'est-ce qu'ils appellent un rebirth. C'est-à-dire, cette personne-là, c'est comme une voyante, elle l'aide à revenir dans ses souvenirs, puis se rappeler de tous ses affaires dans son passé, d'accord? Souvent aussi, on entend des histoires comme ça en Inde, puis dans les pays où les gens croient beaucoup en le bouddhisme ou en la réincarnation, et tu vas voir par exemple une enfant qui va raconter des choses, soi-disant quand elle était... dans une autre vie, ou elle a des souvenirs, soi-disant, puis elle est petite, donc ils se disent, mais ça se peut pas qu'elle sache toutes ces choses-là, c'est pas possible. Donc, des fois, comme on dit, des fois, ça, ces choses-là, c'est les djinns qui vont mettre ça dans la tête de ces personnes-là, et eux, ils commencent à croire que oui, c'est vrai, il y a la réincarnation, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec la réincarnation, c'est les djinns qui jouent avec leur tête, et ils leur font voir ces choses-là. D'accord? Et souvent même, c'est les gens chez qui ils vont pour soi-disant faire ces souvenirs-là, ces rebirths, eh ben, c'est des gens qui ont contact avec des djinns eux aussi. Hein? Et ils utilisent la magie pour faire ce genre de ruse-là. Ok, donc, ça c'est un exemple de choses qui peuvent être expliquées par le fait qu'on croit, on sait qu'il y a l'existence de ces djinns-là qui jouent des tours aux êtres humains. Aussi à l'explication de beaucoup d'autres trucs, mais on va revenir à ça dans d'autres chapitres, inshallah. Le cheikh il dit al-iman bi wujudihim min al-iman bil ghayb tasdiqan li khabar Allah subhanahu wa ta'ala وتصديقاً لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فوجود الجن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ومن جحد وجود الجن فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين وهل كل ما لا يراه الإنسان ينكره الشيخ dit que c'est obligatoire de croire en l'existence du ghaib, du monde invisible. Qu'est-ce que Allah nous a informé et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce qui est invisible, de ce qui est inconnu, on doit y croire et c'est obligatoire d'y croire. Donc, c'est obligatoire de croire en l'existence des djinns puisque c'est confirmé par le Coran, par la Sunna et par le consensus des ulama. Et quiconque rejette quoi que ce soit quiconque rejette l'existence des djinns, alors il est kafir, c'est-à-dire il a quitté la foi, parce qu'il a traité de mensonge Allah subhanahu wa ta'ala. Il a traité Allah et son messager de mensonge, et il a rejeté le consensus des musulmans. Et est-ce que quelqu'un doit rejeter tout ce qu'il ne voit pas, hein, c'est-à-dire il y a des êtres humains, ils ne croient que ce qui est prouvable par leurs cinq sens, ou par la raison. Sinon ils le rejettent. Est-ce que tu peux dire que cette personne-là est un mu'min? Non, parce qu'être un mu'min, ça inclut de croire en qu'est-ce que tu peux pas voir et qu'est-ce qui t'a été informé par la révélation. Sinon, t'es pas un mu'min. Hein? Donc ça c'est important de comprendre. Et le cheikh il dit وَقَدْ ظَهَرَتْ طَائِفَةٌ مِنْ جَهَلَةِ الْأَطِبَّاءِ كَمَا يَقُولُ الْإِمَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَكَذَلِكَ مِنْ بَعْضِ الْمُفَكِّرِينَ وَالْكُتَّابِ وَالْمُنْتَسِبِينَ لِلْإِسْلَامِ يُنْكِرُونَ وُجُودَ الْجِنِّ لأنهم لا يؤمنون إلا بما تقره عقولهم وعقولهم لا تتسع للتصديق بهذه المغيبات وكذلك الجن يسمون وكذلك الجن يمسون الإنس ويخالطونهم ويسرعونهم وهذا شيء ثابت ولكن من جهلة الناس من ينكر صرع الجن للإنس وهذا لا يكفر ولكن يضل لا يكفر ولكن يضلل لأنه يكذب بشيء ثابت أما الذي ينكر وجودهم أصلا فهذا كافر فقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الإنس أي يلتجئون إليهم ليدفعوا عنهم الشرور. Le chef dit qu'il y a un groupe qui est apparu parmi les ignorants, parmi les médecins, hein, des fois c'est des médecins ou des philosophes, ou bien ouais, peut-être des psychologues aussi, comme le frère dit, et ça c'est l'imam Ibn Qayyim qui a dit ça, que ces gens-là, ou bien aujourd'hui, parfois de certains penseurs, comme on les appelle, les penseurs islamiques, ou les écrivains, certains écrivains, qui décident d'écrire sur l'islam, c'est des gens cultivés, soi-disant, ils ont étudié toutes sortes de choses, puis ils ont décidé d'écrire des livres sur l'islam, alors que ce ne sont pas des gens spécialisés dans l'islam, ou ce ne sont pas des ulama, mais, comme on dit, ils décident d'écrire sur l'islam. Et ils prétendent appartenir à l'islam, et ils nient l'existence des djinns. Pourquoi? Parce que selon eux, selon leur raison, on ne peut pas croire en une chose pareille. Et leur raison n'est pas capable d'accepter ce genre de choses invisibles. Et donc ça c'est un groupe de musulmans qui tombent dans cette catégorie-là. Il y en a même parmi ces gens-là qui ont dit que les microbes qu'on a découverts lors de l'invention du microscope, c'était en réalité les djinns, les microbes. Ça c'est une genre de façon de nier l'existence des djinns, ok? Allah Musta'an. Donc le cheikh il dit que également il faut croire et reconnaître que les djinns peuvent entrer en certaines personnes pour les posséder. Ça c'est quelque chose qui est prouvé et confirmé de différentes façons par le Coran et par la Sunna. Le cheikh il dit qu'il y a des ignorants qui nient ça, qui nient que les djinns sont capables de rentrer dans le corps des êtres humains. وعليكم السلام ورحمة الله. Toutefois, si un musulman rejette ça ou nie ça, qu'il peut y avoir des possessions, que le djinn peut rentrer en une personne, on ne dit pas de lui qu'il est kafir. Toutefois, on dit de lui qu'il est un égaré, parce qu'il a renié quelque chose qui est confirmé. Mais s'il nie leur existence au complet, c'est-à-dire à la base, il ne reconnaît pas leur existence, dans ce cas-là, il est kafir. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, le cheikh il répète le verset, et il y avait des hommes parmi les êtres humains qui recherchaient le refuge en des hommes parmi les djinns. Ils se tournaient vers eux pour essayer de repousser quelque chose de mauvais ou de mal. Non. Exact. Les shayatins sont les djinns, mais des djinns qui ont refusé de croire en l'islam, des djinns kuffar. Parce que les djinns sont divisés en autant de religions, puis de groupes et de sectes que les êtres humains. La même chose. Il y a des êtres humains, il y a des djinns qui sont juifs, il y a des djinns qui sont chrétiens, il y a des juifs qui sont athées, il y a des juifs, il y a des djinns qui sont juifs, il y a des djinns qui sont musulmans. Il y a des djinns qui sont shi'a, il y a des djinns qui sont soufis, il y a des djinns qui sont, khawarij, il y a des djinns qui sont, de toutes les sectes. Et il y a des djinns salafis, qui suivent le Coran et la Sunna et la voie des salafs. Donc, il y a tout ce que tu peux trouver chez les êtres humains, tu peux trouver chez les djinns, wallahu a'lam. Et le cheikh, il dit, فزادوهم رهقة زاد الجن زاد الجن الإنس رهقا أي خوفا فالجن تسلط على الإنس لما رأوا زاد الجن الإنس رهقا أي خوفا فالجن تسلط على الإنس لما رأوهم يعوذون بهم فزادوهم خوفا وقلقا وأعجبوا بأنفسهم وقالوا إننا أخفنا الإنس وصاروا يستعيذون بنا. وسبب نزول هذه الآية أن العرب كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قال أحدهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فأنزل الله هذه الآية وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فهذه عقيدة جاهلية أبطلها الله عز وجل بالأمر بالاستعاذة به وحده لا شريك له، وذلك في قوله عن خولة بنت حكيم أو بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وهذه هي الاستعاذة الشرعية البديلة من الاستعاذة الشركية. أوكي، دونك on va terminer avec ça aujourd'hui inchallah. Le cheikh il dit فزادوهم رهقة, c'est-à-dire les djinns ont augmenté la crainte des êtres humains, parce que les djinns ont pris le dessus sur certains êtres humains. Lorsque certains djinns ont vu que les êtres humains cherchaient refuge en eux, ils en ont profité et ils ont fait exprès pour leur faire plus peur encore, et ils se sont sentis yani fiers d'eux-mêmes, hein, dans le sens qu'ils ont dit on a fait peur aux êtres humains et maintenant ils cherchent refuge en nous, d'accord. Donc ils ont profité des êtres humains par la suite. Ok, et la raison pourquoi ce verset-là a été révélé, le cheikh il dit que c'est que les Arabes dans la Jahiliya avant l'islam, lorsqu'ils arrivaient quelque part pour camper, hein, et ben il disait, nous cherchons refuge en le maître de cette vallée contre le mal des ignorants ou des faibles d'esprit parmi eux. Hein, contre le mal que certains parmi le peuple de son peuple, des djinns peuvent nous faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset-là qui dit que parmi les hommes, il y en a qui cherchent refuge en les djinns. Et ça, c'est une aqidah qui est une aqidah pré-islamique, c'est-à-dire qui fait partie de la période pré-islamique, et elle a été annulée par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a été détruite, cette fausse aqidah, par Allah subhanahu wa ta'ala, en ordonnant aux êtres humains de ne chercher refuge qu'en lui, en lui seul, hein, et il n'a pas d'associé dans ça. Le cheikh il dit que c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté qu'il a dit, selon Khawla, la fille de Hakim, que, radiallahu anha, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque quelqu'un d'entre vous descend quelque part, pour camper quelque part, qu'il dise, je cherche refuge en les paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Et s'il dit ça, il n'y a rien de mal qui pourra l'atteindre jusqu'à ce qu'il décide de quitter ce campement ou cet emplacement-là où il s'est arrêté, et c'est rapporté selon Muslim. Et donc, ça c'est, c'est la formule à prononcer ou à utiliser qui remplace cette ancienne formule de la Jahiliya qui était utilisée par les mushrikins à l'époque. D'accord? Donc on va s'arrêter ici maintenant. نعم الله أعلم là-dessus j'ai pas entendu rien là-dessus en ce qui concerne la longueur de leur vie, je suis pas au courant. نعم 43 donc on va arrêter ici pour aujourd'hui. Puis on continuera samedi prochain, Inch'Allah, ce chapitre. Puis on va parler la semaine prochaine de la suite de l'explication de ce hadith, c'est-à-dire la demande de protection en les paroles d'Allah, en la parole d'Allah. Et on va commencer le chapitre 14, Inch'Allah, qui parle de l'istirata, c'est-à-dire de chercher, de demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala lors d'une détresse. D'accord? Donc, non.